Libre à toi d'aller nous chercher le pain, mais fais-le par plaisir, seulement par plaisir. Libre à toi de faire les œufs du matin, mais fais-le par plaisir, seulement par plaisir. Par plaisir, j'aime dans le petit jour te regarder dormir, juste par plaisir. Par plaisir, je t'écris souvent des lettres, juste par plaisir, et je les déchire. Parfois j'y pense, libre à toi.